Radiomatic. C'était la courte pièce intitulée « Cannabis » du groupe Los Pambele qui lançait cette transmission 320 d'Audiomatic. Il est possible de retrouver cette pièce rare de musique salsa psychédélique des années 60 sur la compilation qui s'intitule « Psychedelic Salsa » produite par l'étiquette de disque World Music Network. C'est la musique du groupe danois Alcoholic Faith Mission qui confirmera la poursuite de cette transmission d'Audiomatic. Vous venez d'entendre à Audiomatic le groupe anglais Underworld et la chanson Something Like a Mama, extraite de leur album Beaucoup Fish, sorti en 1998. Précédemment à Underworld, il s'agissait du projet Alten, le pseudonyme du compositeur allemand Christian Alten, qui nous présentait sa pièce Primal Electronic Scream Introduction, que l'on peut retrouver sur la compilation Sub Out. Et pour débuter, nous vous avons offert la formation danoise Alcoholic Faith Mission et sa composition Honey Drip, tirée de l'album Let This Be the Last Night We Care, lancé en 2010. Audiomatic se poursuit sur la musique du projet Leuta. We're talking chaos and endless. Thank you. Audiomatique, nous venons d'écouter le groupe Bourbonese Quark, formé en Angleterre en 1979 et qui a perduré jusqu'au début des années 2000. Quant à la pièce que les sonoristes vous ont fait entendre, soit Outcry, elle se retrouve sur l'album Preparing for Power, sorti en 1986. Avant Bourbonese Quark, c'était la formation Cowboy Junkies et sa pièce To Love Is To Bury, tirée de l'album The Trinity Session, sorti en 1988. Et on amorçait la séquence musicale avec le projet Leuta de l'artiste italienne Roberta Astolfo. De son premier album Accusa di un delitto infinito, nous écoutions la pièce « I, di » dont les paroles sont basées sur les vers de la poétesse Emily Dickinson. Il est décédé il y a presque 42 ans de la maladie de Lou Gehrig à l'âge de seulement 56 ans. Voici à Audiomatique Charles Mingus. ¶¶ To walk alone in the cloud for my own sake. The moon is the sunshine we all need. Pour clore cette séquence à Audiomatique, Nous écoutions une composition de Johnny Greenwood, guitariste de Radiohead, intitulée Eat Him by His Own Light, extraite de la bande originale du film There Will Be Blood, réalisé en 2007 par le cinéaste américain Paul Thomas Anderson. Nous avons également pu entendre tout juste avant le groupe anglais The Heavy et sa chanson Who Needs the Sunshine, parue sur son premier album Great Vengeance and Furious Fire, lancé en 2007. Et pour débuter, nous vous avons présenté le jazzman américain Charles Mingus et sa composition Boogie Stop Shuffle de son album Mingus Ha'hum, sorti en 1959. Cette transmission 3-2-0 d'Audiomatic se terminera sur la musique du groupe Elend, duquel nous entendrons la pièce The Hemlock Sea, apparaissant sur l'album Sun War The Dead. Vous pouvez toujours consulter nos plateformes comme facebook.com/audiomatic-cfou et mixcloud.com/audiomatic pour écouter les transmissions d'Audiomatic quand bon vous semble, mais la véritable expérience se passe en direct sur les ondes de CFOU 89.1 FM les mercredis dès 17h avec les sonoristes. Voici donc pour terminer Elend et la composition The Hemlock Sea. C'était Audiomatic avec les sonoristes. Been longing for your love. I've been The son of morn may cry, he'll never reach us, he'll never reach us.